sens où nos misères aveuglent, cachant la mort par les mots au regard malsain. Coupe, couche, vin, drouille, femme, tarie, entrer maudire nos barbes en ces instants sereins. Car quand nos mains gantées, habiles caresses, nos gorges perdues vouées aux tristes pèlerins, nos nuits sans presse cruelles d'assouvir votre ivresse, que d'une balade fatale on chante, nous ne sommes que des assassins. Vieux marin, tout ce qui portait au cœur une flamme d'ironie, tout ce qui devait au sort une vie sans lendemain. Étanchez votre soif, vos cris et vos promesses, entrez libre et léger, un dingue autour des reins. Changez le monde en farce et les gueuses en princesse, que d'une balade fatale on boit tous sur l'autel des assassins. Sur le pain des vauriens, nous n'aurons pas vécu dans une forteresse si notre cœur est leste, si notre enfer est loin. Mourir libre et banni comme dernière prouesse, que d'une balade fatale on crève en bénissant les